Ma vie, de Isadora Duncan. Premier épisode, l'enfance. Pionnière de la danse moderne, Isadora Duncan a bousculé les codes du ballet classique et ouvert la voie à une danse libérée des conventions. Elle a arpenté les scènes du monde entier pieds nus, drapée dans de légères tuniques blanches, laissant voir son corps ondoyer jusqu'à ne faire qu'un avec la musique. Née en 1877 à San Francisco, elle a été élevée sans père, avec ses deux frères et sa sœur, par une mère musicienne. De cette enfance, elle gardera le souvenir d'une grande liberté. Et c'est avec l'évocation du mouvement des vagues du Pacifique qu'elle ouvre le premier chapitre de son autobiographie inachevée, publiée en 1927, quelques mois après sa mort accidentelle, à l'âge de 50 ans. Je suis née au bord de la mer et j'ai remarqué que tous les grands événements de ma vie se sont produits au bord de la mer. C'est de la contemplation des vagues, quand j'étais toute petite, que m'est venue la première idée de la danse. Je tâchais de suivre leurs mouvements et de danser à leur rythme. Je dois beaucoup à ce que, quand nous étions jeunes, ma mère était extrêmement pauvre. Elle ne pouvait avoir de serviteur ou de gouvernante, et c'est à cela que je dois la vie spontanée que j'ai pu exprimer quand j'étais enfant, et que je n'ai jamais perdue. Ma mère était musicienne, et elle enseignait la musique pour gagner sa vie. Comme elle allait donner des leçons à domicile, elle était absente tout le jour et plusieurs heures dans la soirée. Quand je pouvais m'évader de l'école, cette prison, j'étais libre. Je pouvais errer seule au bord de la mer, au gré de ma fantaisie. Comme je plains les enfants que je vois sans cesse suivis d'une gouvernante, sans cesse protégés, écouvés et toujours habillés avec soin, comment peuvent-ils jouir de la vie? Ma mère était trop occupée pour penser aux accidents qui pouvaient arriver à ses enfants. Et c'est pourquoi mes deux frères et moi étions libres de suivre nos impulsions vagabondes. Elles nous amenèrent parfois à des aventures qui auraient rempli d'angoisse notre mère si elle en avait eu connaissance. Heureusement, elle était divinement insouciante. Heureusement, dis-je pour moi, car c'est certainement à cette vie sauvage et sans entrave que je dois l'inspiration de la danse que j'ai créée et qui n'était que l'expression de la liberté. Je crois que ce que chacun de nous est appelé à faire plus tard est déjà manifeste, dès la petite enfance. Pour moi, j'étais danseuse et révolutionnaire. Ma mère, qui avait été baptisée et élevée dans une famille irlandaise catholique, demeura catholique pratiquante jusqu'au moment où elle découvrit que mon père n'était pas le modèle de perfection qu'elle avait toujours cru voir en lui. Elle divorça et quitta son toit avec ses quatre enfants pour affronter le monde. Dès lors, sa foi en la religion catholique se transforma par une volte-face violente en athéisme. Nos existences d'enfants furent imprégnées de musique et de poésie. Le soir, ma mère s'asseyait au piano et jouait pendant des heures du Beethoven, du Schumann, du Schubert, du Mozart, du Chopin, ou nous lisait à haute voix des pages de Shakespeare, de Shelley, de Keats ou de Burns. Nous n'avions pas d'heure fixe pour nous lever ou aller nous coucher, nous n'avions pas de discipline. Je crois même que ma mère nous oubliait totalement, perdue dans sa musique ou dans les vers qu'elle déclamait, ignorant tout ce qui était autour d'elle. Un jour à l'école, la maîtresse demanda à chaque élève d'écrire l'histoire de sa vie. La mienne fut à peu près la suivante. Quand j'avais 5 ans, nous avons eu une maison dans la 23e rue. Comme nous ne payions pas notre terme, nous n'avons pu rester. Nous sommes allés dans la 17e rue, mais comme l'argent manquait, le propriétaire s'est fâché. Alors nous sommes allés dans la 22e rue, où on ne nous a pas encore laissé tranquille. Alors nous sommes allés dans la 10e rue. L'histoire continuait de la même façon, avec un nombre infini de déménagements. Quand je me levais pour lire mon devoir, la maîtresse se mit en colère. Elle croyait que je me moquais d'elle, et elle m'envoya chez la directrice qui fit appeler ma mère. Quand ma pauvre maman lut mon devoir, elle fondit en larmes et jura que tout cela n'était que trop vrai. Telle était, en effet, notre existence de nomade. Je ne souffrais pas de notre pauvreté à la maison. Elle nous paraissait toute naturelle. Ce n'était qu'à l'école que j'en souffrais. Pour un enfant sensible et fier, le système de l'école communale tel que je m'en souviens était aussi humiliant qu'un pénitencier. J'étais toujours en révolte. J'avais environ 6 ans, quand ma mère, rentrant un jour à la maison, découvrit que j'avais réuni une demi-douzaine d'enfants du voisinage, tous trop jeunes pour marcher, et que je les avais assis par terre devant moi pour leur apprendre à faire des mouvements de bras. Quand elle me demanda ce que cela signifiait, je lui dis que c'était mon école de danse. Elle en fut amusée, et se mettant au piano, elle commença à jouer. Cette école continua et devint très populaire. Plus tard, les parents des petites filles du quartier me donnèrent un peu d'argent pour leur apprendre à danser. Ainsi débuta ce qui, par la suite, fut une occupation très lucrative. Vers ma 10e année, mes classes étaient si nombreuses que je dis à ma mère qu'il était inutile de m'envoyer encore à l'école où je ne faisais que perdre mon temps au lieu de gagner de l'argent, ce que je considérais comme infiniment plus important. Je ramenais mes cheveux au-dessus de ma tête et je me donnais 16 ans. Comme j'étais très grande pour mon âge, tout le monde me croyait. Ma sœur Elisabeth, qui avait été élevée par notre grand-mère, vint par la suite vivre avec nous et m'aida dans mon enseignement. Notre réputation de professeur de danse grandissait. Nous appelions notre méthode un système nouveau, mais à vrai dire, il n'y avait pas de système. Je suivais ma fantaisie et j'improvisais, enseignant tous les gestes jolis qui me passaient par la tête. Nous fûmes très recherchés et nous donnâmes des leçons dans les maisons les plus riches de San Francisco. Je n'enviais pas les enfants que j'y voyais. J'avais pitié d'eux, au contraire. Je m'étonnais de tout ce que leur vie avait de rétréci et de stupide. Et en comparaison de ces enfants de millionnaires, ils me semblaient être 1000 fois plus riches de tout ce qui fait la valeur de la vie. Une fois que j'eus quitté l'école, je me mis à lire énormément. Il y avait une bibliothèque publique à Oakland où nous habitions alors, et en dépit de la distance, j'y allais et j'en revenais en courant, en dansant ou en sautant. Je lus à cette époque toutes les œuvres de Dickens, de Thackeray, de Shakespeare, sans compter des milliers de romans, bons ou mauvais, livres inspirés ou pacotilles. Je dévorais tout. Je veillais jusqu'à l'aube, à la lumière de bouts de chandelles que j'avais réunis dans la journée. Une excellente vieille dame qui venait souvent passer la soirée avec nous et qui avait vécu à Vienne, disait que je lui rappelais la danseuse autrichienne Fanny Elsler. Elle conseilla à ma mère de me mener à un célèbre maître de ballet à San Francisco. Mais ses leçons ne me plurent pas. Quand le professeur me disait de me tenir sur mes pointes, je lui demandais pourquoi. Il répliquait « parce que c'est beau ». Mais je lui disais que c'était laid et contre nature. Si bien qu'après la 3e leçon, je quittais la classe pour n'y jamais revenir. La gymnastique raide et vulgaire qu'il appelait de la danse n'avait fait que déranger mon rêve. Je rêvais d'une danse différente. Je ne savais pas au juste ce qu'elle serait, mais je m'avançais à tâtons vers un monde invisible où je devinais que je pourrais pénétrer si j'en trouvais la clé. Mon art était déjà en moi quand j'étais petite fille, et c'est grâce à l'esprit héroïque et aventureux de ma mère qu'il ne fut pas étouffé. La note dominante de mon enfance fut un perpétuel esprit de révolte contre l'étroitesse de la société dans laquelle nous vivions, contre le rétrécissement de la vie, ainsi qu'un désir toujours plus vif de m'échapper vers l'Est, vers un monde que j'imaginais plus large. Que de fois j'ai harangué ma famille et mes amis pour conclure en disant « Il faut que nous partions. Nous ne pourrons jamais rien faire ici. » 1895, Isadora Duncan a 18 ans, et avec sa mère, ses frères et sa sœur, elle quitte San Francisco pour emménager à New York. En arrivant, nous descendîmes dans une pension de famille de l'une des rues qui donne sur la 6e avenue. Il y avait là une étrange collection de gens qui semblaient n'avoir qu'une chose en commun, aucun ne pouvait payer sa note. Et ils vivaient sous la menace constante d'être mis dehors. Un matin, je me présentais à la porte du théâtre Augustine Daly et fus admise en la présence du grand homme. Je voulus lui expliquer mes idées, mais il me dit « Nous avons amené de Paris la grande étoile Jane May. il y a un rôle pour vous si vous pouvez jouer la pantomime. La pantomime ne m'a jamais paru un art. Le mouvement est une expression lyrique des sentiments, qui n'a rien à faire avec les paroles. Et dans la pantomime, on substitue les gestes aux paroles. Si bien que ce n'est plus ni l'art du danseur, ni celui de l'acteur, mais que le genre demeure à mi-chemin, désespérément stérile. Pourtant, il me fallut accepter le rôle. Je l'emportais pour l'étudier à la maison. Il me paraissait stupide, indigne de mon idéal et de mes ambitions. La première répétition fut une épouvantable désillusion. Jane May était une petite dame d'un caractère extrêmement violent à qui toutes les occasions étaient bonnes pour se mettre en colère. Les répétitions furent pour moi un martyre. On me faisait faire des mouvements que je jugeais vulgaires et stupides et qui n'avaient aucun rapport vrai avec la musique qui les accompagnait. Mais la jeunesse s'adapte facilement et je finis par entrer dans l'esprit du rôle. La première représentation eut lieu. Je portais un costume directoire en soie bleue, une perruque blonde et un grand chapeau de paille. Où était, hélas, la révolution artistique que j'étais venue apporter au monde ? Ma pauvre maman était au premier rang des fauteuils d'orchestre. Elle ne me dit point que nous ferions mieux de retourner à San Francisco. Mais je voyais bien qu'elle était terriblement désappointée. Avoir tant lutté pour arriver à ce pauvre résultat. Pendant toutes les répétitions, nous avions vécu sans argent. C'est à pied que j'allais tous les jours au théâtre. Je courais dans la boue, je sautais sur les pavés, je marchais sur les chaussées de bois pour que la route me parût moins longue. Je me cachais dans une loge pendant l'heure du déjeuner et je dormais, épuisé. Puis je reprenais la répétition l'après-midi sans avoir mangé. Je répétais ainsi pendant 6 semaines avant la première, puis je jouais ensuite 8 jours avant de commencer à être payé. Après 3 semaines de représentation à New York, la troupe partit en tournée, et après 2 mois de tournée, la pantomime revint à New York. Toute cette aventure s'était traduite par un échec financier complet, et Jane May retourna à Paris. « Je monte une tournée avec le songe d'une nuit d'été, » me dit M. Daly. « Vous pouvez, si vous voulez, danser dans la scène des fées. » Mon idée, en fait, de danse était qu'il fallait exprimer les sentiments et les émotions de l'humanité. Les fées ne m'intéressaient pas du tout. J'acceptais cependant le rôle et partis en tournée après 2 semaines de représentation à New York. Je connus à nouveau les voyages lamentables et la chasse aux pensions de famille. J'étais très malheureuse. Mes rêves, mon idéal, mon ambition paraissaient futiles. Cependant, toute la famille était maintenant installée à New York. Nous avions un atelier et une salle de bain. Et comme je voulais que la première pièce n'eût pas de mobilier pour avoir la place de danser, nous achetâmes 5 sommiers métalliques. Nous pendîmes des rideaux le long des murs de l'atelier et pendant la journée, nous cachions les sommiers. Elisabeth commença à donner des leçons dans cette pièce, comme à San Francisco. Quant à mes frères, Augustine faisait partie d'une troupe de théâtre et était la plupart du temps en tournée. Raymond faisait des essais de journalisme. Augustine Daly eut alors l'idée diabolique de monter La Geisha, opérette en 3 actes de Owen Hall et Sidney Jones. Il me donna un rôle, je devais chanter dans un quatuor. Or, je n'ai jamais pu chanter une note de ma vie. On décida donc que je resterais debout, bien sagement, la bouche ouverte, mais sans chanter. Ma mère trouvait extraordinaire que les autres fissent des grimaces en chantant, alors que je n'abandonnais jamais une expression charmante. Un jour, Augustine Daly me trouva couchée par terre dans une loge en train de pleurer. Il me demanda ce que j'avais. « Pourquoi me gardez-vous ici, avec tout mon génie ?» lui répondis-je, « puisque vous ne m'employez pas. » Daly me regarda d'un air ébahi, puis s'en alla. Ce fut la dernière fois que je le vis, car quelques jours après, prenant mon courage à deux mains, je lui donnai ma démission. Je revins à l'atelier, je retrouvai ma petite tunique blanche, et ma mère m'accompagnait au piano. J'étais à ce moment captivée par la musique d'Ethelbert Nevin. Un jour que je m'exerçais dans l'atelier, la porte s'ouvrit et je vis entrer en coup de vent un jeune homme avec des yeux de fou et les cheveux dressés sur la tête. Quoiqu'il fût jeune, Nevin semblait déjà atteint de la maladie qui devait l'emporter par la suite. Il se précipita vers moi en s'écriant « J'apprends que vous dansez sur ma musique, je vous l'interdis. Ma musique n'est pas de la musique de danse, personne ne doit la danser. » Je le pris par la main et le conduisis à une chaise. « Asseyez-vous là, lui dis-je, et je vais danser sur votre musique. Si cela ne vous plaît pas, je jure que je ne recommencerai jamais. » Alors, je lui dansais son Narcisse. La dernière note s'était à peine éteinte qu'il se précipita vers moi et m'embrassa. Il me regardait et ses yeux étaient pleins de larmes. Je lui dansais son Ophélie, puis ses Nymphes des eaux. Son extase était de plus en plus visible. Nevin me proposa aussitôt de donner avec lui quelques concerts dans la petite salle de musique de Carnegie Hall. Le premier concert remporta un grand succès et fut suivi de plusieurs autres qui firent sensation à New York. Il est probable que si nous avions eu assez de sens pratique pour trouver alors un bon impresario, cette réussite aurait été le début d'une carrière brillante. Mais nous étions invraisemblablement candides. Plusieurs femmes de la haute société avaient assisté à nos concerts et mon succès me fit obtenir plusieurs engagements dans divers salons de New York. Je dansais aussi dans d'autres villas de Newport. Mais ces dames étaient si parcimonieuses que nos cachets furent à peine suffisants pour payer notre voyage et nos frais d'hôtel. D'autre part, elles me regardaient danser avec plaisir, me trouvaient charmante. Mais aucune d'elles ne comprenait le moins du monde ce que je faisais. Et dans l'ensemble, notre visite à Newport nous laissa une impression de désappointement. Tous ces gens étaient si hermétiquement drapés dans leur snobisme et dans l'orgueil de leur richesse qu'ils n'avaient pas une once de sens artistique. De même que l'existence en Californie ne m'avait pas satisfaite, de même je commençais à désirer violemment trouver une atmosphère qui me convainc mieux que New York. Je rêvais de Londres, des auteurs et des peintres qu'on pouvait y rencontrer. George Meredith, Henry James, Watts, Swinburne, Burne-Jones, les Rossetti, Whistler. Ces noms étaient pour moi des noms magiques. Et à vrai dire, de tout le temps que j'avais passé à New York, je n'avais pas trouvé une seule sympathie intelligente, un seul appui à mes idées. Nous étions maintenant réduits à quatre. Mon frère Augustine, au cours d'une tournée, s'était amouraché de la fille qui jouait le rôle de Juliette, et un jour il était venu nous annoncer son mariage. On avait regardé cela comme une véritable trahison. Ainsi, dans nos plans d'expédition vers Londres, Augustine fut laissée de côté. On semblait estimer dans la famille qu'il était indigne du brillant avenir qui nous attendait. Or, une fois de plus, notre bourse était vide au commencement de l'été. Ce fut Raymond qui eut l'idée d'aller faire le tour des bassins du port, jusqu'à ce qu'il découvrit un petit bateau qui devait transporter du bétail à Hull, en Angleterre. Le capitaine fut si touché par l'histoire de Raymond qu'il consentit à nous prendre comme passagers, bien que ce fût contraire au règlement. Et un beau matin, munis seulement de quelques sacs à main, nous nous embarquâmes. C'est cette traversée, j'imagine, qui convertit Raymond au végétarisme, car la vue de ces 200 pauvres bêtes qui nuit et jour s'agitaient en fond de cale fit sur nous une impression profonde. Quand plus tard je voyageais en cabine de luxe sur les grands transatlantiques, j'ai souvent pensé à cette traversée sur un transport à bestiaux, à notre joie de tous les instants, à notre enchantement, et je me suis demandé si, après tout, une atmosphère constante de luxe n'amène pas à la neurasthénie. Notre nourriture se composait exclusivement de bœuf salé et de thé qui sentait la paille. Les couchettes étaient dures, les cabines petites. Mais notre bonheur fut absolu pendant les 6 semaines que dura le voyage. Nous avions eu honte de donner notre nom et nous nous étions fait inscrire sous celui du père de ma mère, O'Gorman. Les O'Gorman débarquèrent à Hull par un matin de mai, prirent le train et quelques heures plus tard, les Duncan arrivaient à Londres. Nos premiers jours à Londres, nous les passâmes en omnibus, en course à l'aventure. Nous étions dans un état d'extase parfaite. Et dans l'émerveillement et la joie que nous éprouvions, nous oublions totalement combien nos ressources étaient limitées. Nous voulions voir toutes les curiosités, tous les musées, tous les monuments. Nous visitions tous les jardins et nous rentrions exaltés et épuisés comme des touristes qui auraient un père en Amérique pour leur envoyer des fonds. Ce ne fut qu'au bout de plusieurs semaines que nous fûmes tirés de notre rêve par une propriétaire courroucée qui nous demandait de payer notre note. Sans argent, sans amis, sans aucun moyen de trouver un abri pour la nuit, nous errions par les rues de Londres. Nous essayâmes 2 ou 3 hôtels, mais partout, faute de bagages, on nous demandait de payer d'avance. Nous en fûmes réduits à un banc de Green Park. Mais même là, un énorme policeman apparut pour nous dire de déguerpir. Cette vie continua pendant 3 jours et 3 nuits. Nous vivions de petits pains à 2 sous. Et pourtant, nous avions en nous tant d'extraordinaire vitalité que nous passions nos journées au British Museum. À l'aube du 4e jour, je décidai qu'il fallait faire quelque chose. Ayant persuadé ma mère, Raymond et Elisabeth de me suivre sans rien dire, je pénétrai dans l'un des plus beaux hôtels de Londres. Je dis au portier, à moitié endormi, que nous venions d'arriver par un train de nuit, que nos bagages nous suivaient, venant de Liverpool, qu'il devait nous donner des chambres et nous faire monter un petit déjeuner. Nous restâmes à dormir tout le jour dans nos lits somptueux. De temps en temps, je téléphonais au portier pour me plaindre que nos bagages ne fussent pas encore là. « Il nous est absolument impossible de sortir sans avoir changé de vêtements, disais-je. » Et le soir, nous dînâmes dans nos chambres. Le lendemain, à l'aube, estimant que la ruse ne pouvait plus durer, nous sortîmes comme nous étions entrés, mais cette fois sans éveiller le portier. Nous nous trouvâmes frais et dispos dans la rue et prêts, une fois de plus, à affronter le monde. Déambulant, nous descendîmes jusqu'à Chelsea et nous étions assis dans le cimetière de la vieille église quand j'aperçus un journal qu'on avait jeté dans l'allée. Je le ramassai et mes yeux tombèrent sur un paragraphe disant qu'une certaine dame chez qui j'avais dansé à New York avait loué une maison dans Grosvenor Square et qu'elle y organisait de grandes réceptions. Je trouvai mon chemin toute seule et j'arrivai à Grosvenor Square avant le déjeuner. La dame était chez elle. Elle me reçut avec affabilité et je lui dis que j'étais venue à Londres et que je dansais dans les salons. « C'est juste ce qu'il me faut, dit-elle, pour ma soirée de vendredi. Pourriez-vous présenter quelques-unes de vos interprétations après le dîner ?» J'acceptai, lui faisant comprendre délicatement qu'une légère avance était indispensable pour que je tinsse mon engagement. Elle fut on ne peut plus aimable et me fit aussitôt un chèque de 10 livres avec lequel je revins en courant au cimetière de Chelsea. Je dois danser vendredi soir à Grosvenor Square. Le prince de Galles sera sans doute là. Notre fortune est faite. Et je montrai le chèque. Je parus à la réception de Grosvenor Square. Je dansai le Narcisse et l'Ophélie de Nevin. Et j'entendis des gens murmurer « Où cet enfant a-t-elle trouvé cette expression tragique ?» À la fin de la soirée, je dansai la chanson du printemps de Mendelssohn. Ma mère jouait pour moi. Elisabeth lut quelques poèmes de Théocrite, traduits par Andrew Lang, et Raymond fit une courte conférence sur la danse et son influence possible sur la psychologie de l'humanité future. Tout cela était un peu au-dessus de ce public de gens bien nourris, mais notre représentation eut beaucoup de succès et l'hôtesse se montra enchantée. Le public était trop exactement une assemblée type d'anglais bien élevés pour remarquer que je dansais les pieds nus dans des sandales et vêtus de voiles transparents. Les anglais sont un peuple si poli que personne n'eut même l'idée de remarquer l'originalité de mon costume. Pas plus, hélas, que l'originalité de ma danse. Tout le monde disait « c'est charmant, c'est adorable » ou quelque chose approchant, mais ce fut tout. À partir de cette soirée, je fus invitée à danser dans de nombreuses maisons célèbres. Le soir, je dansais devant quelques membres de la famille royale ou dans le jardin de Lady Lowther, et le lendemain, je n'avais rien à manger. Quelquefois, en effet, j'étais payée, mais le plus souvent, je ne l'étais pas. Les hôtesses me disaient facilement « Vous allez danser devant la duchesse une telle, et tant de gens distingués vous verront que vous aurez un nom à Londres. » Nous avions, ma mère et moi, trop d'amour-propre pour expliquer à ces gens la cruauté inouïe dont ils étaient coupables. Nous nous privions de nourriture pour paraître bien habillés et prospères. Nous nous installâmes dans un atelier à Kensington. À la fin de juillet, la saison de Londres se termina et le début du mois d'août nous trouva avec fort peu d'argent de côté. Septembre vint. Elisabeth, qui était restée en correspondance avec les mères de nos anciennes élèves de New York et dont l'une lui avait envoyé un chèque pour payer son voyage de retour, décida de rentrer en Amérique pour y gagner de l'argent. « Je pourrais vous en envoyer, disait-elle. Et comme vous allez bientôt devenir riche et célèbre, je pourrai d'ici peu venir vous retrouver. » Courant octobre, Elisabeth nous envoya une lettre avec un peu d'argent. Elle était arrivée à New York, avait ouvert son école et réussissait. Nous prîmes en location une petite maison toute meublée dans Kensington Square. Nous avions ainsi droit à une clé des jardins du square. Un soir, Raymond et moi étions en train de danser dans les jardins quand apparut une femme extrêmement belle et qui nous dit « De quel coin de la Terre venez-vous ? » « D'aucun pays de la Terre, répondis-je, nous venons de la Lune. »« De la Terre ou de la Lune, reprit-elle, vous êtes charmant. » C'était Madame Patrick Campbell. Nous la suivîmes jusqu'à sa maison, où des tableaux merveilleux de Burne-Jones, de Rossetti et de William Morris reflétaient son image. Elle s'assit au piano, nous joua et nous chanta de vieilles chansons anglaises, puis nous récita des vers. Finalement, je dansais pour elle. Cette rencontre marqua le début d'un changement de fortune, car Madame Patrick Campbell se déclara si charmée de ma danse qu'elle me donna une lettre d'introduction pour Monsieur Windham. Madame Windham organisa pour moi une représentation dans son salon. Presque tout ce que Londres comptait d'artistes et d'écrivains était là. Les journaux furent enthousiastes. L'élite de Londres m'invita à prendre le thé ou à dîner, et nous connûmes une courte période pendant laquelle la fortune nous sourit. Quand l'hiver toucha à sa fin et qu'il y eut moins de salons ouverts, je fis partie pendant quelque temps de la troupe Benson. Mais je ne jouais jamais autre chose que le rôle de première fée dans Le songe d'une nuit d'été. Les directeurs de théâtre semblaient ne pas comprendre mon art, ou comment il aurait pu servir leur spectacle. Cette incompréhension était extraordinaire quand on voit combien de mauvaises imitations de mes danses ont paru depuis dans les productions de Reinhardt, de Gémier et d'autres représentants de l'avant-garde du théâtre. Il y avait toujours dans notre budget un certain déficit, mais nous traversions une période de paix. Cette atmosphère pacifique impatientait Raymond. Il partit pour Paris et au printemps nous bombarda de télégrammes qui nous imploraient de venir le rejoindre. Si bien qu'à la fin, ma mère et moi, nous fîmes nos bagages et prîmes le bateau. Isadora Duncan, Ma vie, lu par Oja Lorca, avec la voix de Julien Alouf. Traduction, Jean Alary. Choix des extraits, Pauline Timonier. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort, Bastien Barigaud. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Laure Egoroff. Ma vie est publiée aux éditions Gallimard.